Premier livre de Samuel, chapitre 9. Or il y avait un homme de Benjamin, qui avait nom qui, fort et vaillant, fils d'Ehabiel, fils de Tseror, fils de Bekora, fils d'Afia, fils d'un Benjamite, lequel avait un fils nommé Saül, jeune homme d'élite, et beau, en sorte qu'il n'y avait aucun des enfants d'Israël qui fût plus beau que lui, et depuis les épaules en haut, il était plus grand qu'aucun du peuple. Or les ânesses de qui, père de Saül s'était perdu, et qui dit à Saül son fils, « Prends maintenant avec toi un des serviteurs et te lève, et va chercher les ânesses. » Il passa donc par la montagne d'Ephraïm, et traversa le pays de Salisa, mais ils ne les trouvèrent point. Puis ils passèrent par le pays de Salim, mais elles n'y furent point, ils passèrent ensuite par le pays de Gémini, mais ils ne les trouvèrent point. Quand ils furent venus au pays de Tsuf, Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens, et retournons-nous-en, de peur que mon père n'ait cessé d'être en peine des ânesses, et qu'il ne soit en peine de nous. » Et le serviteur lui dit, « Voici, je te prie, il y a en cette ville un homme de Dieu, qui est un personnage fort vénérable, tout ce qu'il dit arrive infailliblement, allons et maintenant, peut-être qu'il nous enseignera le chemin que nous devons prendre. » Et Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car la provision nous a manqué, et nous n'avons aucun présent pour porter à l'homme de Dieu, qu'avons-nous avec nous ?» Et le serviteur répondit encore à Saül, et dit, « Voici j'ai encore entre mes mains, le quart d'un sicle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous enseignera notre chemin Zeroer. » C'était anciennement la coutume en Israël, quand on allait consulter Dieu, qu'on se disait l'un à l'autre, « Venez, allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. » Et Saül dit à son serviteur, « Tu dis bien, viens, allons. » Et ils s'en allèrent dans la ville où était l'homme de Dieu. Et comme ils montaient par la montée de la ville, ils trouvèrent de jeunes filles qui sortaient pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant n'est-il pas ici ?» Et elles leur répondirent, et dirent, « Il y est, le voilà devant toi, hâte-toi maintenant, car il est venu aujourd'hui en la ville, parce qu'il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple dans le haut lieu. Comme vous entrerez dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point jusqu'à ce qu'il soit venu, parce qu'il doit bénir le sacrifice, et après cela ceux qui sont conviés en mangeront, montez donc maintenant, car vous le trouverez aujourd'hui. » Ils montèrent donc à la ville, et comme ils entraient dans la ville, voici, Samuel, qui sortait pour monter au lieu, les rencontra. Or l'Éternel avait fait entendre et avait dit à Samuel, un jour avant que Saül vînt, demain à cette même heure je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour être le conducteur de mon peuple d'Israël, et il délivrera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est parvenu jusqu'à moi. Et dès que Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voilà l'homme dont je t'ai parlé, c'est celui qui dominera sur mon peuple. » Et Saül s'approcha de Samuel au-dedans de la porte, et lui dit, « Je te prie enseigne-moi où est la maison du voyant. » Et Samuel répondit à Saül, et dit, « Je suis le voyant, monte devant moi au lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi, et je te laisserai aller au matin, et je te déclarerai tout ce que tu as sur le cœur. » Car quant aux ânesses que tu as perdues il y a aujourd'hui 3 jours, ne t'en mets point en peine, parce qu'elles ont été trouvées. Et vers qui tend tout le désir d'Israël, n'est-ce point vers toi, et vers toute la maison de ton père ? Et Saül répondit et dit, ne suis-je pas Benjamite, de la moindre tribu d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin, et pourquoi m'as-tu tenu de tels discours ? Samuel donc prit Saül et son serviteur, et les fit entrer dans la salle, et les plaça au plus haut bout, entre les conviés, qui étaient environ 30 hommes. Et Samuel dit au cuisinier, « Apporte la portion que je t'ai donnée, et de laquelle je t'ai dit de la serrer par devers toi. » Or le cuisinier avait levé une épaule, et ce qui était au-dessus, et il l'a mis devant Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi. » Et mange, car il t'a été gardé expressément pour cette heure, lorsque j'ai dit de convier le peuple, et Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Puis ils descendirent du haut lieu dans la ville, et Samuel parla avec Saül sur le toit. Puis s'étant levé le matin, à la pointe du jour, Samuel appela Saül sur le toit, et lui dit, « Lève-toi, et je te laisserai aller. » Saül donc se leva, et ils sortirent eux deux dehors, lui et Samuel. Et comme ils descendaient au bas de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis au serviteur qu'il passe devant nous, lequel passa, mais toi arrête-toi maintenant, afin que je te fasse entendre la parole de Dieu. »